Salut les amis. Salut Charlie. Charlie. Aujourd'hui, il faut que ce soit une super émission. On entend juste ça tous les jours. Mais oui, c'est vrai. Et c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais on est bons tous les jours. Ouais, ouais, bon. Du calme. Ah, oui. Alors aujourd'hui, il en va de notre survie. Ah, on reçoit Samina Seri. Non, la survie de l'émission. Ah, carrément. On reçoit. Oui. Gilles Boyer. Oh là là, dis donc, Gilles Boyer. Ah oui, ah, vous oh là là, non, mais non, on sait même pas qui c'est Gilles Boyer. Enfin, mais c'est l'un des plus proches collaborateurs d'Alain Juppé. Ah, si Juppé devient président. Ah, ah, ah oui, mais s'il nous aime pas, on saute. Et si c'est Sarkozy qui devient président? Ah bah là, on est foutu. Mais pourquoi? Bah, le titre de l'émission. Oh, je suis con. Oui, ça faut pas l'exclure. Bah oui. Mais si c'est Hollande président? Oh là là. Ah oui, je suis con. Bah oui, ça se confirme. Donc, Gilles Boyer, on s'en occupe bien. En plus, sur Internet tranquille, c'est l'hémisphère gauche de Juppé. Ah oui, donc son bras droit. Et son hémisphère gauche. Voilà. C'est confus hein, chez les Républicains. Sarkozy, il a un hémisphère gauche. Mais on s'en fiche, Alex. Donc on va parler de Juppé. C'est ça, un d'accord. peu, mais on va parler de son roman surtout. Ah, bah ça, c'est rassurant. Mais quoi, le mec, il est conseiller de Juppé à 2 ans des présidentielles, il a le temps d'écrire un livre, c'est rassurant. Non, mais ça, par exemple, on ne lui dit pas. Hein, okay, ça, on dit quoi alors, non, on dit que son livre est très très bien. Okay, okay, que Juppé est très très très très bien. Bon, il n'y a pas de mais. Hein. Allez tous avec moi pour une France qui va bouger, votez Juppé. Mais heureusement qu'on en couvre de rêver. T'imagines si elle avait dit ça à l'antenne. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, n'oubliez pas d'aller voter, votez tout simplement. Voilà. Vous écoutez l'émission, vous avez peur, hein, vous écoutez l'émission qui ne recevra jamais le prix Albert Londres. Et voici les 3 informations qu'on va envoyer sur le terrain pour enquêter jusqu'à 18h. Nicolas Hulot lance un appel aux gouvernants de la planète. Les gouvernants français, eux, n'ont pas bien entendu cet appel global puisqu'ils sont tous concentrés sur l'appel régional. Parti politique ? Défense de la nature. Poireau et pâquerette, foutu programme. Hulot n'est pas le seul à proposer des projets ambitieux. Le ministère de la Jeunesse aussi, il lance la Bougitude. Oui, une plateforme pour inciter les jeunes Français à aller voir quelque temps ailleurs si l'herbe est plus verte ou meilleure à fumer. Et puisque je te dis qu'elle baise les Anglais, c'est connu. Écoute Alain, là-bas, on aura calvé le petit doigt, je te dis. Cristiano Ronaldo touche jusqu'à 230 000 euros pour ses tweets. La posture commerciale sur un tweet, ça se monnaie et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Depuis ce matin, ça tweet, ça buzz, ça Facebook, ça chat à tout va. C'est le buzz texto tweet bbm.net du jour. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui veille sur les réseaux sociaux. Il fait partie des réseaux sociopathes. C'est Alex Vizeret. Bonjour, chérie de Madame à cœur. Pour une France qui va bouger. Votez! Voilà! Allez au bout de votre idée! Les 3 et 16 décembre, c'est les régionales. Et aujourd'hui, autour de la table, la formation qui a essuyé les plâtres de cette émission à 17h20. Celui qu'on garde depuis le début en espérant un jour comprendre sa prose du début à la fin. Je vous l'annonce donc, André Manoukian sera des nôtres jusqu'en 2022. Non! De quoi on parle? Bonjour Alex, bonjour Charline, on va parler d'un groupe australien formidable qui s'appelle les Jungle Giants. À 17h30, celui qu'on garde depuis le début, dans l'espoir qu'un jour il fasse ou une chronique de droite, ou une chronique pro-religion, ou tout simplement une chronique sans mauvaise foi. Je vous l'annonce donc, Guillaume Burry sera des nôtres jusqu'en 2036. Bonjour. Oui, un peu plus, je pense. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi aujourd'hui, je me suis intéressé aux révélations du canard enchaîné, des coups de fil passés par la DRH de Radio France à certaines personnes suspectées de ne pas avoir leurs papiers en règle, par exemple un certain Rafik. Rafik en arabe, ça veut dire camarade. Voilà, certainement un djihadiste communiste en plus. Nous voilà bien. Une enquête interne. Et à 17h40, celle que je garde depuis le début de l'émission dans l'espoir secret qu'un jour, dans un moment de faiblesse, dans un moment d'ivresse ou dans un moment de maladresse, elle finisse par m'accorder l'occasion de vérifier sa souplesse. Je vous l'annonce donc. Clara Dupont-Mono sera des nôtres jusqu'à la fin des temps. Bonjour Clara. Je suis pas sûre. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Du livre de notre invité. Ah, et oui, parce que nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission et il est né sous Pompidou. Vous démarrez votre carrière au service juridique du RPR, pas de vanne, en 97. 97, l'année où Jacques Chirac... C'est une vanne déjà. L'année où Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Deuxième blague. Deuxième grosse vanne. Vous devenez directeur de cabinet d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux en 2002. C'est l'année où le RPR devient l'UMP. Vous suivez Juppé au Quai d'Orsay et vous publiez la même année un roman intitulé Dans l'ombre, c'est en 2011. C'est l'année de naissance de Julia Sarkozy. Ah. Et vous êtes Gilles Boyer, bonjour ben à tous. Voilà. Bienvenue. C'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Nous recevons Gilles Boyer, le romancier, mais aussi ce qu'on appelle, on vous appelle l'hémisphère gauche d'Alain Juppé. Alors nous, on reçoit quasiment pas de politique dans cette émission, ou d'apparenté politique, pour les discours de propagande et langue de bois qui nous saoulent un petit peu. Ça fout la pression dès le début, comme ça. Non, mais alors que le monde politique semble très éloigné des livres, en dehors de ceux qu'ils écrivent ou qu'ils font écrire, vous, vous prenez le temps d'écrire un roman. Donc, Un monde pour Stella, un roman paru chez Jean-Claude Lattès. Hyper écolo, et on a parlé dans le bureau tout à l'heure avec Clara Dupont-Mono qui va chroniquer votre roman. Vous dites étonnant pour le bras gauche de Juppé, on dirait un Khmer vert quand on lit son livre. Vous l'avez dit. Donc ça se passe en 2045, le plus grand barrage du monde cède en Chine. Clara Dupont-Mono, on peut faire un petit, ce qu'on appelle un pitch, mais c'est pas l'équivalent en français. Ça commence, oui, ça commence. On est en 2045, donc ça commence sur une catastrophe, ce livre. Et donc, on va suivre Esther Anderson, qui est un petit peu inspirée d'Esther Duflo, visiblement. Oui. Vous le mentionnez à la fin du livre. Économiste française. Économiste française, qui avait été appelée par la Maison Blanche. Et on va la suivre. Et en fait, elle va être chargée de mettre sur pied une immense organisation. Je vous cite, une organisation à laquelle les États délégueraient la régulation économique, sociale et environnementale de la planète. Vaste projet pour cette petite Esther Anderson. Et tout le livre est ponctué de lettres qu'elle adresse à sa fille, qui s'appelle donc Stella, et qui a 13 ans. Alors, ce qui frappe déjà quand on lit votre livre, c'est que les politiques, ils n'ont pas le très bon rôle. Dans tout votre livre, les politiques, soit ils sont immobiles et inconscients de la situation, soit ils sont réellement traîtres. Est-ce qu'il y avait un petit message subliminal ? C'est vrai que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Non, blague à part sur ces sujets un peu de long terme, le problème c'est ça, c'est par qui on est gouverné et en fonction de quoi ceux qui nous gouvernent prennent les décisions. Est-ce qu'ils le prennent en fonction de considérations de court terme, ce qu'on peut parfois comprendre, ou bien est-ce qu'ils se projettent un peu plus loin et est-ce qu'ils se demandent ce qu'ils vont se laisser derrière eux ? C'est un peu la thématique du livre. Ça se passe dans 30 ans et ça illustre peut-être la distorsion entre les contraintes du temps politico-médiatique, qui est plus à l'échelle de la journée, et puis ce qui, normalement, devrait être le rôle de nos dirigeants, c'est-à-dire de nous projeter vers un avenir meilleur. L'avenir meilleur, c'est souvent se dire « Tiens, j'aimerais bien être réélu. » Moi, moi, j'aime bien l'idée que Juppé, peut-être vu son âge, il va me dire « Ah mais tiens, moi j'en fais qu'une, c'est promis. » Est-ce que c'est un argument que vous allez lui faire avancer ? Moi, j'aime bien votre idée aussi. D'ailleurs, on parlait pas de politique ici, mais puisque vous en parlez, on va en parler. Ah non, je dis Juppé au hasard comme ça. Hein. Mais d'abord, il a pas eu besoin de moi pour formuler cette conviction. Hein, c'est-à-dire qu'il souhaite consacrer, s'il est élu, les 5 ans de son mandat à son action, sans se préoccuper de la réélection, ce qui est souvent quand même un problème. Les promesses de politique, on y croit. Donc, a priori, il va le faire. Mais il y en a qu'on croit plus que d'autres. Oui, si on revient un moment au roman, profitons-en sur ce roman. Indépendamment de cette incartade donc dans le canevas réalisé par Alex Vizorek, c'est pas de ma faute, il se trouve que vous mettez dans la peau d'une femme, ouais. Qui plus est une maman. Ouais. Vous auriez pu dire elle. Vous dites je. Ouais. Pourquoi ? On est sur un divan là ? Un petit peu, allongez-vous. C'est l'auteur. Enfin, je vais vous dire, j'aime bien les défis. Je me suis dit, je vais choisir une narratrice féminine. Et quand on connaît mon expertise en matière de psychologie féminine, croyez-moi, c'est un sacré défi. Mais je ne suis pas loin de penser que c'est les femmes qui vont sauver le monde. Et donc j'ai choisi une femme parce que d'abord Esther Duflo m'a beaucoup inspiré à son corps défendant. Moi je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée. J'ai lu certains de ses livres et j'ai trouvé son approche très originale, très créative, refusant tous les codes et les préjugés, repartant à zéro et partant de la psychologie humaine et non pas des statistiques. Et donc à partir de ce prénom d'Esther, j'ai bâti mon personnage imaginaire. J'espère qu'elle s'en formalisera pas. Quand vous dites que c'est les femmes qui vont changer le monde, vous pensez plus à Marine Le Pen ou David Borano ? Bah d'abord, quand je dis ça, j'ai une chance sur deux d'avoir raison. C'est déjà pas mal dans la vie. Et ensuite, dans tous les sexes, il y a des gens plus ou moins bien. C'est pas un secret. Le roman de Gilles Boyer, c'est Un monde pour Stella, paru chez Jean-Claude Lattès, un plaidoyer écolo. Oui. Votre vision de l'écologie, avec de la géopolitique dedans. Plein de chiffres. Plein de chiffres. C'est aussi, très très, très très documenté. Et Clara Dupont-Mono va nous en reparler tout à l'heure avec vous. Dans Merci. Cette émission où on va parler politique, société, Twitter, parce que vous êtes un tweeto invétéré. Avec vous aussi, non ? Oui, nous aussi, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je parle plus de politique. Hein. Non, je vois ça. Donc, on va parler après encore d'écologie, avec Nicolas Hulot, par exemple, et de pétitions, comme c'est le cas dans votre livre, d'ailleurs. Allez, jusqu'à 18h. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. there's a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Simply waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, et comme notre invité nous faisait remarquer, our house is burning, et nous regardons ailleurs. Eh oui, en référence au discours de Jacques Chirac, je crois que c'était à Johannesburg. Sous la plume de Nicolas Hulot. C'était une phrase de Nicolas Hulot, non ? Me semble-t-il. Peut-être. C'est ça. Et autour de cette table, Alex ? Eh bien, nous avons une belle équipe. Nous avons du André Maloukian, nous avons du Guillaume Meurice, c'est le meilleur pour la fin. Nous avons la ravissante Clara Dupont. Merci pour l'invité. Gilles Boyer est avec nous. Oh, mais l'invité, je vous le laisse. Très bien. Tout ce qui est politique, je vous laisse. Jusqu'à 18h. Il y a une tension sexuelle. Allez, place à l'information subjective. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, Louis Sarkozy a fait une interview pour le site internet de Paris Match. Avant, c'était Nicolas Sarkozy qui aidait ses enfants à trouver un poste. Maintenant, ce sont ses enfants qui l'aident à retrouver son poste. Culture, on parlera de Renoir et de Rihanna. Sachez que l'un des deux a beaucoup de respect pour l'œuvre de l'autre. Et il y aura aussi des brèves à base de nudité et de sexagénaire. Je sens que ça vous fait rêver, Charlina. Et on commence par le couple Sarkozy. Oui, dans le dernier numéro de VSD, Michel Drucker nous apprend qu'il arrive à Carla Bruni de fredonner l'air des sept nains à Nicolas pour le détendre. Oui, vous pensez qu'on doit faire une vanne derrière ? Non, nous on ne s'attaque pas au physique. Si c'est sa femme qui le fait, elle peut. Ouais. Et d'un Sarkozy, passons à un autre. Louis Sarkozy s'est livré à Paris Match sur sa vie d'étudiant. Oui, et s'il est aussi bon aux études que son frère Jean Sarkozy, il va trouver un travail, c'est sûr. En tout cas, il est passionné, on l'écoute. Je tirais 150 à 300 cartouches par semaine. Putain, c'est impressionnant comme ça. Ah ouais. Mais il parle d'armes là, Alex. C'est-à-dire, il est passionné par les armes. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais, il a aussi fait part de sa passion pour les États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde peut aller dans un supermarché et acheter une arme. Donc beaucoup de gens pensent que c'est mauvais. Et moi, je trouve par exemple que c'est une liberté. Et c'est un des seuls pays qui a une liberté telle. Ah bah oui, mais c'est quand même chaud de donner une arme à quelqu'un qui en 2012, à 15 ans, a lancé des billes, des boulettes de papier et des tomates sur une policière en fraction dans l'Élysée. Oui, cela dit, il a beaucoup aimé l'Élysée, Louis Sarkozy, il dit « J'ai toujours été ami avec tout le monde là-bas, je disais à tout le monde que j'avais 40 papas ». Ah bah il pourrait échanger son ressenti avec la fille de Rachida Dati. La vraie question, c'est pourquoi donner une interview et faire une interview du fils de Nicolas Sarkozy ? Alors, eh bien, ici nous ne reculons devant rien, nous allons donc tenter de faire mieux que Paris Match. J'ai au téléphone... elle est là, une interview. La petite Julia Sarkozy, 4 ans. Bonjour Julia. Ah, elle a la voix de sa maman. Julia, on vous connaît mal. J'ai lu dans votre dossier de presse que vous avez marché très tôt. Vous étiez obligé, hein, c'est Louis, il m'a tiré dessus. Pardon ? Bah oui, il crie poule ! Et moi, je vais courir dans le jardin pour éviter les balles. Ah, mais sinon, tu es heureuse dans ta famille ? Ah, bah oui, surtout quand ma maman arrête de chanter et que mon papa, il m'apprend la politique. Oh, c'est mignon. Et comment il t'explique la politique, ton papa ? Ah, bah c'est facile, il me dit Juppé, c'est un con, Bayrou, c'est un con, NKM, c'est un con. Oui, oui, non, Hollande, c'est... oui, hein, non, merci. Les enfants sont formidables. On passe à la suite. Non, mais juste, Alex, pourquoi est-ce que vous avez imité Jacques Martin ? Ah, bah disons que les enfants qui ont grandi avec Nicolas Sarkozy, ils ont l'habitude d'entendre la voix de Jacques Martin. Ah, oui, d'accord. Alors, passons à cette étonnante histoire. Oui. À Besançon, un détenu belge s'évade lors d'une sortie en vélo. Est-ce que c'est malin ce qu'on fait ? Parce que tout l'UMP, les Républicains nous écoutent aujourd'hui. C'était peut-être pas très malin. Bon, oui. Un détenu belge s'évade lors d'une sortie à vélo. Mais ça, c'est malin parce que c'est un sport où on est bon, le vélo. Mais ouais, quand même, un détenu qui s'évade à vélo, la seule possibilité, c'est que les surveillants qui les accompagnaient soient en ballon sauteur. C'est peut-être ça. On passe à la culture. Des Américains demandent le retrait des tableaux de Renoir. Ils ont manifesté devant le musée des Beaux-Arts de Boston. Ils traitent Renoir de nul en peinture. Les Américains, quand ils ne tirent pas sur les Noirs, ils tirent sur Renoir. Musique à présent. Rihanna dévoile le nouveau titre de son album, Anti. Oui. Et sa pochette est en braille. Et ça, c'est une grosse erreur stratégique, hein, Rihanna. Pour avoir regardé quelques clips, je pense qu'il vaut mieux qu'elle essaye de convaincre les sourds plutôt que les aveugles. Mode, à présent, moment de solitude au défilé Louis Vuitton. Exactement. Pour 7 femmes parmi les invitées, elles portaient toutes la même robe Louis Vuitton. La mode, hein, tous ces gens qui ont envie de se différencier des autres. Et on termine par cette fameuse brève. Ah, allez. La brève qu'on attend tous. Ah. Attention, un titre que je ne commenterai pas. Ça s'est passé en France. Surpris nu au volant, un sexagénaire explique qu'il ne voulait pas froisser son pantalon. La France est magnifique. On va dénoncer notre complice de la semaine. C'est Frédéric Sigris qui a écrit des sketchs et des brèves avec nous. Il sera au Point Virgule tous les mercredis, jeudi, vendredi, samedi à 19h. Allez le voir. Allez-y, c'est brillant. Premier sujet avec vous, Gilles Boyer. Nicolas Hulot lance un appel aux gouvernants de la planète et une pétition aussi qui sonne le rappel pour la COP21. Un appel planétaire alors qu'en France, nos élus sont complètement absorbés par les régionales, voire par 2017. Les politiques ne cultivent pas naturellement, c'est vrai, une passion pour l'écologie. Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France ? Oui, mais est-ce que vous le confirmez, le choix ? Quelle est cette part ? Le choix. Nous avons, madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la France, vous à hauteur de la moitié. Vous défendez le nucléaire, mais oui, vous ignorez la part non, du madame, nucléaire. Alors, non, de combien nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire, non, madame. 17% non, seulement. Ce n'est pas exact. 17% ce n'est pas seulement exact. De l'électricité ce n'est pas est d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est pas exact. De toute façon, tout ça se verra. Mais si, c'est ça. Donc ce que je veux. Attendez, c'est un choix majeur. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on l'arrête ? Eh oui, on sort encore le pop-corn pour écouter cette séquence. Alors, qui avait raison d'ailleurs ? Aucun des deux. Je ne sais pas. Écoutez, on espère que Juppé est au courant, en tout cas, pour le prochain débat. Il en sait plus que moi sur le sujet, c'est sûr. Alors, finalement, le seul à toujours taper du poing sur la table, c'est Nicolas Hulot, qui en matière de climat a été aussi un lanceur d'alerte en France, il y a bien longtemps. Il le reste encore aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est encore lui en première ligne, Nicolas Hulot, et pas le politique ? Bah, d'abord parce qu'il est connu. Et qu'ensuite, il a probablement une parole, on va dire, plus crédible qu'une classe politique qui n'a pas toujours donné les raisons d'être appréciée dans le passé. Il faut dire ce qui est. Mmh. Ensuite, parce qu'il est constant. Et ensuite, parce qu'il porte son message avec le verbe haut et de manière efficace. Il faut l'écouter. Hein. Il faut l'écouter. Il ne faut pas arrêter de l'écouter. Et il faut surtout que nos dirigeants, et je me mets dans l'eau, en tirent les conséquences dans les comportements quotidiens. Et que nous, citoyens, nous exprimions à nos dirigeants que c'est un sujet important pour nous et que c'est en fonction aussi de ce critère et de leurs préoccupations à eux que nous voterons pour ou contre eux. Et je pense que Nicolas Hulot est inquiet à l'approche de la COP21 parce que les précédentes conférences multilatérales sur le sujet n'ont pas toujours donné des résultats à la hauteur des attentes. Elles n'ont même jamais donné de résultats à la hauteur des attentes. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez 200 chefs d'État et 20 000 délégués dans une salle, il y a assez peu de chances pour qu'ils tombent tous d'accord unanimement sur le moindre sujet et qu'on en arrive toujours forcément à revoir les ambitions à la baisse. Je auraient fait une erreur en refusant de plébisciter Nicolas Hulot ? Qui s'était présenté à la primaire Europe Écologie Les Verts. Écoutez, moi je pense qu'un parti politique qui désigne Eva Joly plutôt que Nicolas Hulot pour le représenter à la présidentielle... Non, laissez-moi finir Pourquoi ma phrase. Pourquoi vous riez ? Oui, c'est bien parti. C'est un choix extrêmement respectable, Mais ça ne fait pas d'eux un parti écolo, je suis désolé. Parce que si les sujets écolos avaient été au premier rang de leurs préoccupations, c'est pas Eva Joly qu'ils auraient désigné. Mais un parti écolo, c'est pas seulement des sujets écolos, c'est aussi une politique globale. D'ailleurs, juste pour revenir sur Nicolas Hulot, il a fait une charte et avec plusieurs points. Et le premier point, c'est la sortie de l'économie libérale, qu'il considère justement comme la principale responsable de l'état actuel de l'écosystème. Et alors, qu'en pense l'hémisphère gauche d'Alain Juppé, qui quand même maintient une politique libérale et prône ça? L'hémisphère gauche, c'est là où se loge l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas la première fois que vous l'utilisez, Juppé. Ça. Tout votre livre est contre la politique ultralibérale. Bah alors, je sais pas, c'est un livre de gauche, vous pensez? En tout cas, il est contre la politique ultralibérale. Macron nous explique que le libéralisme est une valeur de gauche, donc on ne sait plus. Mais... Il est contre les dérèglements de l'économie et les abus de l'économie. Aujourd'hui, dans tous les échanges économiques, il n'y en a que 3% qui correspondent à des échanges réels de biens et de services. Il faut s'interroger aussi. Tout le reste, c'est de l'immatériel, du virtuel. Il faut se demander, il faut se poser à nouveau les bonnes questions. Et c'est pas être antilibéral que de dire ça. Qui paye quoi à qui? Qui rend service à qui? Et en échange de quoi? C'est ça l'économie. Et aujourd'hui, l'économie est trop complexe. Plus personne ne la comprend, même ceux qui veulent vous l'expliquer. Et ceux qui vous vendent des produits boursiers ne comprennent pas ce qu'ils vous vendent. Donc on a un vrai sujet de complexité. Il faut s'y attaquer. Et c'est pas être antilibéral. Moi, je suis assez libéral en économie. Je crois à la prééminence de l'initiative individuelle, à la prééminence du rôle de l'entreprise dans la création d'emplois et de richesses. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout cautionner. Alors, osons, nous dit Nicolas Hulot, hein, osons dénoncer ces marchés qui se régalent de la rareté qu'ils créent. Bref, brisons cet ordre cannibale. Il y a une pétition qui est en ligne que je vous encourage à signer. Moi, j'ai réussi à la signer au bout de quelques heures parce que le serveur est saturé. Un petit peu comme dans votre livre d'ailleurs, mais c'est pour d'autres raisons, Gilles Boyer. Oui. Dans votre livre, Un monde pour Stella, paru chez Jean-Claude Lattès et qui traite évidemment dont le sujet principal est l'écologie. André Manoukian. Est-ce que la nature musicale, ça vous parle? Eh ben oui, justement, je suis presque dans le sujet. C'est incroyable, c'est comme si j'avais. Ça va pas durer longtemps. C'est un groupe australien. Ils s'appellent les Jungle Giants. Et quand on les écoute, alors ils utilisent des éléments ethniques dans leur musique. Et tout de suite, on se sent en plein désert, dans un road movie. Mais joyeux le road movie, genre un Mad Max qui finirait bien, où il y aurait de l'eau, de l'essence et de la bière belge à profusion. Ah. Boum, quand votre moteur fait boum, appelez la dépanneuse Simoun. C'était dans quoi ? Ah, moi je connais pas. Oh là là, il y a aucune culture. Il y a aucun Tintin au pays de l'or. Nous dit Benjamin Riquet, notre réalisateur, avec l'équipe nombreuse en régie. Il y en a qui ont de la culture ici. C'est ce que chantaient les frères Dupont dans Tintin au pays de l'or noir avant que leur moteur n'explose. Et ben boum, moi je parle de Mad Max. Je vais fouiner sur la bio des Jungle Giants et ce groupe que j'ai découvert sur la toile sans rien savoir d'eux. Je lis quoi? Qu'ils sont australiens. Et je me dis, ça y est, je sais lire. L'avenir dans le mar de MP3 comme Jacques Attali. C'est dans la musique qu'il fait ses prédictions en plus. Hein, il sera pas chez vous vendredi soir? Mais si, c'est pas vrai. Incroyable. Alors, Jacques Attali fait des prédictions. Oui, il a une manière assez sympa. Il m'a expliqué des prédictions, que ça soit juste après. Hein. Bah, alors, par rapport à une nation, si vous voulez, il regarde la démographie de la nation. Il regarde trois éléments. La démographie. Super, on a l'hémisphère gauche de Jacques Attali sur le plateau, c'est génial. La démographie, la cuisine et la musique. D'accord. Et par exemple, comme les Chinois ils font une musique de merde, et ben on est tranquille, c'est pas eux qui dirigeront la planète. Donc, c'était pas une bonne revenons nouvelle. Revenons-en à nos moutons musicaux. Revenons à nos Australiens, les Jungle Giants. Je dirais que c'est les Talking Heads qui rencontreraient Beck. Mais Beck, c'est pour le côté laid back. Laid back, c'est quand on chante derrière, en s'allongeant sur les mélodies. Il y a plusieurs manières de s'allonger sur une mélodie, Charlie. Il y en a trois. Il y a le laid back brésilien, terriblement sensuel. Laid back, hein, c'est quand on est un peu derrière le tempo. Le laid back, le vrai. Faussement paresseux, mais vraiment torride. Il y a le laid back du blues, qui évoque une somnolence vigilante sur un rocking chair à l'heure où le soleil fend les pierres et où les lézards rêvent de piscine. Cette phrase, elle est de Laurent Godet, mon écrivain préféré. Là, notre laid back australien du groupe de Jungle Giant, ça serait comme un Sprech Gesang Rocky. Une litanie nonchalante avec une voix qui grôle. Les sous-titres sur franceinter.fr en vidéo. Hein. J'explique, la voix qui grôle. Non, c'est pas la peine, je pense. Le grôle, ça vient du sax. C'est quand on va chercher dans le gras du son, un peu comme quand Clara Dupont-Mono attaque une chronique. Elle donne un grand coup de grôle dans le micro. Alors, oui, c'est très sensuel quand c'est maîtrisé. Le chanteur Babix, c'est la quête du râle. Pratique ça très bien. Jamie Cullum aussi. Tous les crooners font ça. Ça leur donne un côté gros nounours qu'on a envie de câliner. Quant au Sprech Gesang, c'est le parler chanter. Ça vient des chansons de Bertolt Brecht qui étaient mises en musique par Kurt Weill. C'était des récitatifs, des opéras populaires. C'est une déclamation, c'est une psalmodie. C'est une mélodie qu'on chante sur une seule note. Donc on parle un peu. Le Sprechgesang est en fait l'ancêtre du slam, le rap des rhapsodes d'Homère. Donc, Speakerzoid, c'est le titre de l'album des Jungle Giants, est un disque rafraîchissant comme une oasis d'eau gazeuse dans un désert post-apocalyptique. C'est de Laurent Godet aussi. Psychédélique synthé, basse 60s au médiator, le riff qui tourne, riff de voix entêtant, sample ethno incorporé à merveille sur un fond de ukulélé d'extrême gauche. La jungle, c'est un mouvement électro qui est né dans les années 90, où les beats, c'est le rythme, hein, étaient accélérés de manière un peu foutraque. C'est les Anglais qui ont inventé ça. Et dans la jungle des villes, c'est encore une pièce de Bertolt Brecht créée en 1923 qui parle de l'affrontement à Chicago d'un homme issu de la savane et d'un riche négociant en bois qui vont échanger leur place. Pas de résolution comme dans les tragédies classiques, pas de résolution ni de catharsis. Bon, allez, je laisse tomber dans la jungle des villes. La jungle, les Jungle Giants se revendiquent de cette énergie-là. Une énergie pure qui se déploie dans nos oreilles, qui nous fait bouger les pieds, qui nous fait revivre le miracle de l'éternel retour. Un beat de batterie bien haché, une basse qui roule un riff de spy music. La spy music, c'est la musique d'espion, les riffs de James Bond, quoi. Et puis un sitar déjanté dans un coin qui traîne dans un coin, des grincements de pneus, des cris de fans dans le dernier bar avant le désert, les ou ou ou des choristes, vous savez, qui nous rappellent les B-52. Vous mettez Speakerzoid, Alex, le dernier album de Jungle Giant à fond quand vous faites le ménage chez vous, juste avant que votre copine débarque. Mais ils le font en menu pour enfants ou pas, le Jungle Giant? Elle m'a tué. Et pour le coup, quand votre fiancée arrive, vous jetez l'aspirateur, vous dansez un tango cosmique avec elle avant de la prendre sur le canapé. Ça peut être le prémisse d'une belle soirée. Ça marche. Sunset, it'll be during the sunrise. It'll be maybe sometime between now and then. It'll be easy, it'll be hard, it'll be in the middle even. It'll go all night, sometimes even just for 10 minutes. I found myself lying awake, considering the other possible ways I could apply myself, maybe during a meal, behind a parked car, even during a speech. It could find its way into your life without me even thinking of it. It could be factual, punctual, spiritual, multilingual, that could go for a lifetime, endless, endless years, and sometimes just for 10 minutes. Jungle Giant, Every Kind of Way. J'adore votre accent. C'est cool, c'est des Australiens, c'est leur deuxième album, ils sont nés en 2011. Et vous remarquerez, Charline, c'est rare quand je fais de la pop, parce que la pop, bon voilà quoi, c'est ce qu'on entend un peu partout, mais là c'est de la chouette pop. Ah oui, c'est séduisant, n'est-ce pas Gilles Boyer? Ah oui, moi je trouve qu'André Manoukian devrait s'engager en politique, et il voilà. A le sens du discours. Et oui, il parle pour ne rien dire. Vous aussi Gilles Boyer, vous publiez un roman, vous êtes l'hémisphère gauche d'Alain Juppé, vous publiez un roman, Un monde pour Stella, chez Jean-Claude Lattès. Et il y a votre hémisphère gauche, et à votre droite il y a droite, il n'a que trois gauche. Hémisphères gauches. Même quatre. Je savais même pas qu'il y avait un hémisphère droit. C'est Guillaume Meurice. Vous avez enquêté. J'ai enquêté. Charline, mesdames et messieurs, la France a peur. Envahie par des cohortes d'étrangers qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes, nos filles aussi, mais ça on s'en fout. Ils déferlent par milliers sur nos côtes, attirés par notre douceur de vivre, la plastique avantageuse de Michel Houellebecq et les théories de Nabila, ou l'inverse, ne jouez pas sur les mots, l'heure est grave. Il y a quelques jours, la DRH de Radio France a décidé de procéder à un contrôle d'identité sur quelques salariés, au patronyme jugé aussi suspect que maghrébin. Le canard enchaîné s'en est fait l'écho cette semaine, alors j'ai décidé de mener l'enquête sur ces cellules dormantes du djihadisme à Radio France. Des cellules dormantes à la maison de la radio, c'est pas une surprise, sinon on juge par le bruit des ronflements quand on chemine dans les couloirs, mais des djihadistes, qu'en est-il? Allons à la rencontre de ces présumés dangereux individus. Le premier s'appelle Rafik, il est réalisateur à France Culture. explication sur cette affaire. Alors c'était vendredi dernier, j'étais en mission pour Radio France en Bulgarie, j'étais à Sofia dans un taxi et je reçois un appel. Bonjour, c'est Madame Intel du service paye de Radio France. Oui, que puis-je pour vous? De quelle nationalité êtes-vous? Je réponds, j'étais un peu confus. Vous aviez un doute quand même? Non, j'avais un doute sur ce point, mais on m'appelait alors que... voilà. Bon. Ah, vous aviez un doute sur votre nationalité? On a toujours un doute sur sa nationalité. Ah bon? Eh bien, c'est la meilleure, ça. Eh bien non, je suis désolé, monsieur Rafik. Moi, je m'appelle Guillaume Meurice, je suis français depuis des générations. On n'a jamais trahi la France chez les Meurice. Même le maréchal Pétain, on ne l'a pas trahi, monsieur. Qu'insinuez-vous? Que vous êtes plus français que moi? Et puis, sachez que je suis français depuis 1830. Peut-être contrairement à vous qui vous appelez Meurice, j'en sais rien. Peut-être que vos ancêtres sont piémontais ou je ne sais quoi. Oh, la fourberie. Ou peut-être niçois. Alors ça, c'est typiquement arabe, c'est la fourberie. Exactement. Voilà, vous avez vu ça, l'impudence de ces gens d'origines algériennes. Hein, ils supputent que je puisse être niçois. Et pourquoi pas me comparer à Christian Estrosi pendant qu'on y est, ce métèque d'origine italienne. Oui, il faut se renseigner sur les origines de chacun et se renseigner sur leur parcours. Celui de monsieur Rafik, par exemple. Saviez-vous qu'il avait voyagé? Et pas n'importe où, en Afghanistan. Absolument, j'étais en Afghanistan, missionné par Radio France d'ailleurs. Ah, en plus? En plus. Et juste pour l'anecdote, à chaque fois maintenant que je passe une frontière, avec mon ordinateur personnel, il se met à sonner parce qu'il y a encore des résidus d'explosifs dessus, puisque c'était à l'époque les forces... Puisque vous fabriquiez des explosifs? Non, du tout. C'était les forces spéciales françaises qui avaient transporté mon ordinateur ou je ne sais quoi. Enfin, ça s'était mélangé à des explosifs quand on était parti en Afghanistan. L'excuse perfide, l'argument fallacieux. La DRH de Radio France a bien raison de fliquer ce genre de sinistre individu. Vous doutez de ses intentions malfaisantes? J'avais dans ma manche une ultime question. Est-ce que vous mangez du couscous? Ça m'arrive. Mais voilà, j'en étais sûr. Mais uniquement à la cuillère, jamais à la fourchette. Donc vous êtes un radical, quoi. Question couscous, oui. Évidemment, on commence par reprendre deux fois de la semoule, et puis on finit par envoyer la purée à coups de Kalachnikov. La radicalisation classique, même radicalisation chez cet autre employé de Radio France qui, lui, a tenu à garder l'anonymat, comme par hasard. Pour des raisons de neutralité, appelons-le Mohamed Ben Mohamed. Je vous rassure, j'ai pas de barbe. Un peu quand même. Un petit peu, mais elle est moderne. Une barbe moderne? Si vous n'êtes pas un islamiste modéré. Je sais pas, mais si je pouvais dire d'autres choses, je l'aurais dit, mais là, je peux pas. Ah, intéressant, il cache des choses. La DRH de Radio France a toutes les raisons de s'inquiéter. Pourtant, cette dernière fait sa mijaurée, affirmant même qu'il s'agissait simplement d'une mise à jour du logiciel de paye. Qu'en pense Mohamed Ben Mohamed? L'explication ne me satisfait pas du tout. Parce que le logiciel de paye, il a bon dos, j'y ai travaillé, je sais comment ça fonctionne. Attention quand même, parce que j'ai l'impression que vous faites du racisme anti-blanc là. Ben non, du tout. J'ai toutes mes belles-sœurs, elles sont blanches. Le même système de défense que Nadine Morano, le camouflage est efficace, mais il ne résistera pas longtemps à ma sagacité. Pour avoir l'info à la source, j'ai contacté directement la direction des ressources humaines de Radio France, et plus précisément l'homme à l'origine de cette polémique, François Marceau. Une de ses assistantes semble même avoir affirmé à une salariée de France Inter qu'il s'agissait bien là d'une mesure antiterroriste. Je peux pas affirmer si ça a été dit ou pas dit. Ce qui est certain, c'est que si ça a été dit, c'est totalement inacceptable parce que ça n'a absolument rien à voir. Et là, c'est plus une maladresse, c'est une faute. Vous considérez que vous avez fait une faute vous-même Ma faute a été de ne pas prévoir, en fait, l'émotion que cette simple tâche administrative allait créer auprès des collaborateurs qui allaient être appelés. Et oui, satanée minorité, à chaque fois qu'elle se sent visée, elle se met à chouiner. Alors, incompétence ou malhonnêteté de la part de la direction des ressources humaines, l'enquête suit son cours. En attendant, la Radio France a peur. Merci Guillaume Meurice. Disons aussi que la DRH a envoyé des excuses, c'est ça? Oui, elle a envoyé un petit mail d'excuses aux 34 salariés concernés. Et voilà, merci. En tout cas, Radio France, de donner du travail à Guillaume Meurice. Effectivement. En plus, j'ai pas eu à aller loin. Et ça, s'il pouvait y avoir un truc comme ça tous les jours. On est ensemble jusqu'à 18h avec Gilles Boyer, romancier et aussi bras droit placé à gauche de Alain Juppé. On va aborder le deuxième sujet avec vous. Le ministère de la Jeunesse et des Sports lance une plateforme pour découvrir le monde et inciter les jeunes à vivre une expérience à l'étranger. Un site qui propose les programmes existants et les organismes à contacter pour ce faire. Et ce programme s'appelle La Bougitude, sur Twitter, hashtag La Bougitude. On parle de jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4. Alors... Quand on a vu ce sujet, on a pensé à Alain Juppé qui a fait un Erasmus au Québec. Ouais. Salut. Ça... Non, mais ça a dû. Mais c'est voilà. Funky, hein. Non, mais c'est un jeune. C'est vrai que quand même, Alain Juppé, il a fait la une des Un Rock. C'est un peu hipster avec la barbe qui pousse à l'intérieur, Alain Juppé. Il a fait un Erasmus au Québec. Ça lui a apporté quelle expérience à l'étranger, parce qu'il faut être exemplaire quand on est politicien, donc il faut, si lui il a une expérience à l'étranger et qu'il trouve que c'est bien en rentrant, voilà, que les jeunes le fassent aussi. Oui, bien sûr, d'abord c'est bien que nos jeunes partent avoir une expérience à l'étranger, ce serait bien qu'ils reviennent aussi après. Oui. Parce qu'en ce moment c'est un petit peu le point de c'est difficulté. Pas évident, et quand on a toute une génération qui rêve d'aller faire sa vie à l'étranger, on a peut-être un sujet, donc il faut peut-être se pencher là-dessus, mais ceci dit... Vous avez raison, il y a un article dans le Figaro, et une étude d'ailleurs qui a été publiée hier, qui indique que 55% des Français expatriés veulent pas rentrer, il y a même 42% que ça inquiète de rentrer en France, donc il y a un vrai sujet aussi derrière. Bah, Depardieu par exemple, voilà, il veut pas rentrer, voilà. Il y a des études. Mais donc, derrière la blague, Alain Juppé, il a fait un Erasmus au Québec. Qu'est-ce qu'il en retire aujourd'hui? Est-ce que ça infuse encore un petit peu dans sa réflexion, ce qu'il a vu là-bas? Lui, on ne lui a pas demandé de rentrer d'ailleurs. Hein. Personne ne lui a demandé. Ouais, Gilles Boyer. On l'a quand même autorisé à revenir sur le territoire. Qui a fait ça? Moi, je l'ai connu avant et je l'ai connu après. Donc, est-ce qu'un homme change? Je ne sais pas si on change vraiment. Mais en revanche, je sais que... Tout le temps, il cite des exemples de ce qu'il a vu au Québec, des bonnes pratiques, des choses qui marchent peut-être mieux là-bas qu'ici et dont on pourrait s'inspirer. Notamment en matière d'écologie? Et notamment en matière d'écologie. Moi, je l'ai vu revenir avec une conscience sur le sujet nouvelle parce que là-bas, on voit les choses. Il a vu avec Aluit le permafrost, le pergélisol fondre. Et là-bas, on est vraiment au milieu de la nature et on constate les choses. On voit le changement climatique à l'œil nu. Oui, on le voit à l'œil nu. Pardon, je me suis mal exprimé. Non, vous avez pris des termes techniques. Ouais, autant pour moi. Et donc, je l'ai vu avec cette conscience écologique nouvelle qui l'a conduit en 2007 à fonder ce grand ministère du développement durable qui rassemblait l'équipement, les logements, les transports et qui n'était pas seulement le ministère de l'écologie mais aussi un ministère qui avait vocation à examiner chaque décision publique à la lumière des considérations de développement durable. Malheureusement, il en a été le titulaire le moins durable parce qu'il a occupé ce ministère que un mois. Ah, bah voilà. Mais ah, il a conçu ce ministère qui n'a pas survécu à tous les gouvernements et il a conçu le Grenelle d'environnement qui a été mené à bien par Jean-Louis Borloo à l'époque. Il y aura un livre, parce que le premier livre qu'a publié Alain Juppé, c'est Les chemins de l'école, à quelques semaines à peine de la COP21, il aurait pu parler d'écologie pour ce premier bouquin. Oui, il aurait pu. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Je ne mangerai plus de cerises en hiver, il y a quelques années, et qui raconte cette expérience, justement, mais il parlera beaucoup d'environnement au moment de la COP21, avant, après, et surtout, il en tirera les conséquences sur son projet global. Deux romans, il en est question, avec vous, Gilles Boyer, mais aussi avec vous, Clara Dupont-Monod, qui avait lu le roman de notre invité. Bravo. Je vous remercie. Parce que l'actualité, donc, c'est votre roman. Je rappelle qu'il s'appelle Un monde pour Stella. Il est paru chez Jean-Claude Lattès. On va pas se mentir, c'est un peu le cauchemar de la COP21. Parce que s'ils le lisent, c'est l'insomnie garantie. Vous êtes d'accord? Vous l'avez pas fait pour ça? Non, mais je suis assez pessimiste sur l'issue de la COP21. Je souhaite qu'elle réussisse et qu'elle aboutisse à des résultats formidables, mais je suis sceptique pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, qui sont liées à l'incapacité de se mettre d'accord sur des objectifs ambitieux quand on est 200 et qu'on a des intérêts contradictoires. Voilà, c'est tout, mais je souhaite que ça fonctionne. Alors, ce qui risque de se produire, c'est un peu ce que vous racontez dans ce livre, c'est-à-dire que nous sommes en 2045 et nous allons suivre Esther Anderson, qui est donc une scientifique qui rappelle l'économiste Esther Duflo. Esther Anderson, elle se bat contre une menace qui s'appelle le désastre écologique de la planète. C'est quoi un désastre écologique? Eh bien, en tout cas dans votre livre, c'est un monde où la ville de Sanaa au Yémen a quasiment disparu, où la pollution vole 20 ans à l'espérance de vie des Chinois, où on ne peut plus skier nulle part, ce qui est quand même un drame, je regrette. Ça c'est emmerdant. Ouais. Voilà. Et où les enfants pensent que les rhinocéros, qui ont tous disparu, font partie des dinosaures. Alors dans ce marais qui sert d'avenir, Esther Anderson, elle est approchée par les présidents américains et chinois, et ils lui proposent de fabriquer quelque chose d'assez particulier, une espèce d'organisation géante, mondiale, chargée d'éviter le chaos. Ça veut dire superviser les stratégies environnementales, sociales, économiques de tous les pays de la planète. Donc c'est un petit emploi à plein temps hein, pour la Esther Anderson, petit job à 35 heures par jour. Ça ne lui déplaît pas, car le mérite est une valeur de droite à laquelle elle a l'air d'être attachée. Et à ce propos, vous écrivez « Il faut éviter que l'organisation ne se transforme en bureaucratie éloignée des réalités. Le politique doit conserver sa primauté. » Parole d'expert, je le suppute. Voilà. Le sourire servira de validation. Exactement. Alors, car au fil du texte, nous voyons émerger de ci, de là, un peu comme le lamantin, espèce menacée, surgit des eaux de temps en temps pour prendre un peu une goulée d'air. Nous voyons donc émerger l'animal politique sous le romancier. Je parle de vous, hein, Gilles Boyer. Elle vous compare à un lamantin. Non, pas du tout. Pas du tout. Ne le prenez pas mal. N'écoutez pas Guillaume Meurice, sinon on n'est pas sorti. Le texte est parsemé de clins d'œil plancton, c'est-à-dire invisible à l'œil nu. On peut lire « L'océan est notre poubelle » ou alors « Il n'y a pas de solution immédiate sans le nucléaire ». Special dédicace tout mot de Fontenoy. Ou peut-être pas, d'accord. Non, je sais pas, vous savez, moi j'ai fini ce roman au mois d'écrire ce roman au mois de mai et j'ai surtout dit ce que je pensais. Voilà, voilà, alors on peut lire aussi page 301, il faut non seulement que les enfants aillent à l'école, mais aussi qu'ils apprennent quelque chose. Special dédicace tout Najat Bello-Belkacem. C'est pas super profond ça comme phrase. Non, c'est, oui, bah oui, special dédicace donc tout. Bon. Alors, ne vous sous-estimez pas. Oui, car la politique est à votre littérature ce que la dent, car il n'en a qu'une, est au dugong, qui est le cousin du lamantin. C'est-à-dire indispensable. Bref, aparté sur le dugong. Oui. Parce qu'on parle des espèces menacées. Oui. Oui, mais c'est une espèce menacée, donc c'est un gros phoque qui est surnommé la vache des mers. Et sa maturité sexuelle a lieu vers 10 ans, ce qui fait un point commun entre Alex Vizorek et le dugong. Et je tenais à le préciser. Ça. Oui, bon, le dugong, c'est très important, c'est le cousin du lamantin. Allez voir sur Internet les photos. Si on ne chavire pas, c'est qu'on a un cœur de pierre. Guillaume Meurice, donc n'allez pas sur Internet. Non, j'ai des amis dugong, vous plaisantez. Revenons aux politiques. C'est-à-dire qu'on lit, ça et là, du parcours d'Esther, quelques saillies propre à redresser la France, qui ne dédaignerait pas, a priori, un candidat à la présidentielle. Ah bon ? Je cite « Je ne suis pas un idéologue, mais nous avons laissé faire le marché. Je constate qu'il n'a pas réussi à réguler l'économie ni l'écologie. Il faut faire autrement. » Voilà. Si Alain Juppé nous écoute, c'est ce que dit Nicolas Hulot, qu'il puisse noter aussi. Oui, oui, oui, mais bon, comme il y a un quart d'heure, vous me disiez que c'était un roman anti-libéral. Maintenant, vous m'expliquez que c'est un roman de droite. Alors, je ne sais plus trop bien. Ça veut sans doute dire que c'est un peu entre les deux. Mais Juppé n'est peut-être pas tant de droite que ça. Qui a dit qu'il était de droite? Si, c'est un homme de droite. Il est très populaire à droite, d'ailleurs, contrairement à l'idée reçue qui circule. C'est un des deuxième homme politique le plus populaire à droite, et l'écart avec le premier n'est pas si grand que ça. Autre exemple, qui classe quand même le livre un chouï à droite, page 265. L'économie est déréglée du fait des subventions publiques mal orientées, qui ne permettent pas de déterminer le véritable prix des biens et des services. Dans ta dent, François Hollande, par rapport au dugong, parce qu'il n'y en a qu'une. Au-delà de ces tirs de harpon, précisons qu'on apprend des tas de choses. Alors déjà, c'est très énervant, parce qu'il y a un pays qui va tirer son épingle du jeu, excusez-moi. Ça, c'est le gros. Voilà. C'est le Danemark. Alors lui, même en 2045, il sera bon élève. Je vous cite, le Danemark aujourd'hui est ce qu'était la France au début de ce siècle, un pays où il fait bon vivre. C'est quand même très énervant. Les Danois, c'est ceux qui massacrent les dauphins à coups de crochet. Bah, allez voir sur Internet aussi. Bon voilà, en tout cas, pays écologique. Hormis ce gros faillot de Danemark, on apprend que le réchauffement climatique à terme produirait des aberrations, comme le fait qu'un Norvégien disposerait de 100 fois plus d'eau potable qu'un Kenyan, que le réchauffement rendrait habitable des zones comme la Sibérie, ça c'est pour vous Guillaume Meurice, ou les extrêmes nordiques. Pour vous tous, je crois, hein, ouais. Après l'émission. Ou encore, que le désert algérien disposerait d'assez d'énergie solaire pour satisfaire le monde entier. Bon, enfin, pour ça, il faut quand même... Ça, c'est des bonnes nouvelles, ben oui, mais pour ça, il faut sortir de l'inertie, hein, c'est ce que vous expliquez, et prendre enfin conscience de l'urgence. Et là, je m'arrête car je parle un peu trop comme un livre politique. Je vous donne les références. Un monde pour Stella, de Gilles Boyer, est paru chez Jean-Claude Lattès. Merci Clara Dupont-Monod. Merci beaucoup. C'est un roman optimiste. Hein. C'est un roman qui propose aussi des solutions, qui montre que l'homme a en lui toutes les solutions et toutes les ressources pour arriver à vivre harmonieusement à 10 milliards d'humains, ce qui nous menace ou ce qui nous attend dans 30 ans. On a les solutions. C'est juste qu'on ne les applique pas. C'est comme si vous aviez votre médecin qui vous prescrivait un médicament et que vous ne le prenez pas. Bah, c'est une charge contre les politiques. Une première chose, peut-être signer la pétition de Nicolas Hulot. Pourquoi oui, d'ailleurs, pas. Alain Juppé l'a signé. On l'a vu, ça ne nous a pas échappé. Signé. Votre solution, c'est la décroissance. C'est ça qui est intéressant. Alors, Guillaume Meurice, on passe au troisième sujet. Voilà. Le troisième sujet, c'est les tweets de Cristiano Ronaldo. Ah bah oui, qui c'est lui plus intéressant. Évidemment. Excusez-moi. Mais vous choisissez les sujets avec nous le matin, alors dites-moi ça le matin, pas maintenant. Moi j'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup les tweets de Ronaldo. Merci. Voilà, de toute façon, il va nous rester 30 secondes pour le traiter, vous allez être content. Les tweets de Cristiano Ronaldo lui rapportent 230 000 euros. Ceux de Nadine Morano aussi valent de l'or, mais pour le gagner en monnaie sonnante et trébuchante, il faut être au service d'une marque, dans une posture commerciale. Tous menés depuis longtemps, le placement de produits vient même de plus loin qu'il n'y paraît, bien avant Twitter. Eh ben, j'ai vu un tube bonnet non identifié, en forme de téfale, posé sur le formica, avec des pisasses pour lumineux tout autour, et ça faisait bic, bic, bic. Attends, Attention, attention, la tête, Cruchot, là, vous débloquez. Mais pas du tout, mon adjudant. Moi, j'ai changé mes deux paquets de lessive contre un paquet d'Ariel, et c'est parti dans le Yoplait avec les petites fleurs. Alors, non seulement vous avez des visions, hein, mais maintenant, vous faites de l'intox, de la publicité clandestine. Moi, mon fixodent, pas un homo de tout ça, à part le Ricard. Pas un homo. Et à côté de James Bond, franchement, c'est rien du tout. Le gendarme et les extraterrestres. Alors bon, Cristiano Ronaldo qui pose avec son nouveau manteau, etc. Paf, 230 000 boules. Ça fait plus de deux conférences de Nicolas Sarkozy à Doha. Bon, passons ça. J'imagine que tout le monde est scandalisé autour de la table. Passons à Twitter plutôt. À la fois outil de contestation et de promotion et d'argent, etc. Vous tweetez, @GilesBoyer. Alors, vous tweetez avec une grosse liberté d'expression. Lors d'une interview télé du retour de Sarkozy aux 20h de France 2, vous tweetez: je croyais que France 2 avait supprimé la pub après 20h. Ou alors quand il y a une élection, par exemple, vous dites: il faut se féliciter de ce grand moment démocratique. Ah non, merde, c'est mon tweet de demain. Donc cette grande liberté, Twitter vous l'offre, vous la saisissez avec mesure, j'imagine, quand même. Bon, d'abord, j'ai tweeté 3 fois depuis ce matin le nom de votre émission et j'ai toujours rien vu venir. Ça nous avait fait plaisir. Ensuite, les tweets que vous citez, ils sont un petit peu anciens. Je les assume parce que je ne les ai pas effacés. Oui, il y en a beaucoup plus. Ils étaient dans une autre période de l'histoire de la vie politique française, à une époque où on va dire que la primaire était menacée dans son existence même. Et aujourd'hui, on est dans une autre phase où la primaire aura lieu et j'espère que la compétition se passera bien. Bon, on n'a aucun doute là-dessus. Il y a Twitter, jamais... C'était le moment langue de bois. Ah, voilà. Non, je vous conseille le Twitter de Gilles Boyer, vraiment. Et à cette heure-ci, c'est l'heure du sketch. C'est l'heure du sketch. Je vous ai donné un rôle. Comme tous les jours à notre invité, je donne un rôle. Il ne va jamais revenir. Vous Gilles avez Boyer, le voilà. rôle. De toute façon, c'est la dernière émission ce soir. Donc, je vous donne le rôle d'Alain Juppé parce que vous êtes toujours dans sa tête. Même quand vous n'êtes pas là, vous y êtes. Donc, l'hémisphère gauche dans la tête d'Alain Juppé, c'est Guillaume Meurice. Vous êtes Alain Juppé et il est en pleine interview avec la journaliste de l'équipe, Charline Nonaker. Monsieur Juppé, bonjour. Bonjour, mais appelez-moi Al. Non, Al, dis-lui de t'appeler Al, comme Al Capone, mec. Depuis que t'as fait la couve de JQ et des Arocs, t'es devenu un fucking hipster, vas-y. Bah vous savez quoi, appelez-moi Al. Très bien, monsieur Al. Alors, selon un sondage, vous seriez crédité de 62% des voix si vous vous retrouviez au deuxième tour des présidentielles face à François Hollande. Monsieur Al, est-ce que ça vous fait plaisir? Écoutez, ce serait mentir que de dire que je m'en réjouis pas, mais nous sommes à 2 ans d'une élection qui est déterminante pour les Français. Et il serait bien présomptueux de me voir dans cette très haute fonction. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Alain? Mais personne n'y croit, là! Même ce con de journaliste, il y croit pas! Dis-lui que tu vas tous les niquer! C'est ton moment, Alain, vas-y! Non, mais arrête, c'est gênant. Non, pardon? Parce que... Excusez-moi, je me parlais à moi-même. Ah, non, pardon! Tais-toi! Maintenant, c'est toi, The Boss! Tu t'es pas tapé 1 an chez les caribous à bouffer de la poutine! C'est quand même le seul peuple qui est plus con que les Belges, tu te rends compte? Vous avez raison, continuez. Alors, monsieur Juppé, ne pensez-vous pas qu'il sera difficile de rassembler un électorat qui, à droite, semble séduit par certaines thèses du Front National et un centre-gauche qui ne se retrouve pas dans le social-libéralisme à la valse Macron? Bah écoutez, je ne vois pas les choses comme vous. Moi, je crois en la France, je crois en une république indivisible et je crois en une France qui soit capable de dépasser la somme de ses désaccords. Mais bullshit, Alain, bullshit! Dis-lui qu'il va falloir être un putain de contentionniste comme on en voit que chez Patrick Sébastien. Pour faire une synthèse entre Le Pen et Hollande, il faut être souple comme dans une vidéo de Jackie et Michel. Monsieur Juppé, et Nicolas Sarkozy dans tout cela? Nicolas Sarkozy, c'est le président de ma formation politique. Nous avons de nombreux points d'accord, mais aussi des désaccords, ce qui n'exclut pas d'avoir du respect l'un pour l'autre. Mais que dalle, il est grillé, le nain! Il n'y a que lui qui le sait pas! Il n'a plus une idée, même Morano, elle ne le respecte plus! Merci, monsieur Juppé, c'était un plaisir. Bah, tu m'étonnes que ça lui fait plaisir, cette chaudasse! Tu leur vends du rêve à tous ces cons, t'es un winner, Alain! Écoutez, c'était un plaisir. Partagé, je vous laisse, je dois aller faire la couve de têtu. C'est une idée de Gilles Boyer, mon conseiller, je ne sais pas si vous le connaissez. La journaliste qui s'extasie devant la Juppé, c'est Claire Chazal, m'a été virée, je vous rappelle. Alors. J'aurais aimé que vous tentiez l'imitation, mais... J'ai hésité. Oui, j'ai senti. Vous le faites des fois? Vous imitez parfois? Ça m'arrive, oui. Mais si je dis ça, il faut que j'attende qu'on soit hors antenne. Ah, d'accord. Vous nous mettez durer le suspense. Envoyez Nicolas Demorand maintenant. Merci beaucoup, Gilles Boyer. Je rappelle, directeur de campagne d'Alain Juppé pour la primaire 2016, mais surtout Un monde pour Stella, c'est votre roman chez Jean-Claude Lattès. Passionnant les roman. Les férus d'écologie. Oui, allez, donnez-le à Manoukian et signez la pétition de Nicolas Hulot. Voici le mot de la fin, la réaction du monde politique justement, suite à l'appel de Hulot. Parti politique? Défense de la nature. Poireau et pâquerette, foutu programme.